aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbay nous parle d'agents d'artistes célèbres dans sa chronique Paul is Dead. Et après la première neige, Émilie Gauthier nous explique comment choisir son équipement de sport d'hiver. Assemblage requis, aujourd'hui 15h.